50 languages. 63. 63. 63. طرح الأسئلة 2. Poser des questions 2. Poser des questions 2. لدي هواية. J'ai un hobby. J'ai un hobby. إني ألعب كرة المضرب. Je joue au tennis. Je joue au tennis. أين هو ملعب كرة المضرب؟ Où est le terrain de tennis? Où est le terrain de tennis? ألديك هواية؟ As-tu un hobby préféré? As-tu un hobby préféré? ألعب كرة القدم. Je joue au foot. Je joue au foot. أين هو ملعب كرة القدم؟ Où est le terrain de foot? Où est le terrain de foot? إن ذراعي يؤلمني. Mon bras me fait mal. Mon bras me fait mal. وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني. Mon pied et ma main me font également mal. Mon pied et ma main me font également mal. أهناك طبيب؟ Y a-t-il un médecin? Y a-t-il un médecin? عندي سيارة. J'ai une voiture. J'ai une voiture. ولدي أيضا دراجة نارية. J'ai aussi une moto. J'ai aussi une moto. أهناك موقف للسيارات؟ Où est le parking? Où est le parking? لدي كنزة صوف. J'ai un pull. J'ai un pull. ولدي أيضا سترة وبنطال جينز. J'ai aussi une veste et un jean. J'ai aussi une veste et un jean. أين هي الغسالة؟ Où est la machine à laver? Où est la machine à laver? لدي صحن. J'ai une assiette. J'ai une assiette. ولدي سكين وشوكة وملعقة. J'ai un couteau, une fourchette et une cuillère. J'ai un couteau, une fourchette et une cuillère. أين الملح والفلفل؟ Où sont le sel et le poivre? Où sont le sel et le poivre? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.